Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par la toute nouvelle Ascent 2019, la plus grande Subaru jamais construite. Elle a trois rangées, de la place pour 7 ou 8 personnes, 19 porte-gobelets et la sécurité légendaire d'une Subaru. Venez la découvrir chez votre concessionnaire Subaru participant. Subaru, confiance et évolution. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les grands parcs urbains d'Amérique du Nord. Pour beaucoup de New-Yorkais ici, c'est la campagne. Beaucoup n'ont pas de voiture et pour eux, ce parc, c'est un endroit de méditation, de relaxation. C'est l'un des atouts primordiaux, car sans ça, on aurait plus d'un million de New-Yorkais qui deviendraient complètement fous. Ce jogger new-yorkais interviewé pour l'émission française Faut pas rêver en 1991 résume en quelques mots ce que sont devenus, ce que représentent aujourd'hui pour nous ces grands parcs publics urbains pensés et aménagés à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Comment seulement imaginer aujourd'hui New York sans son Central Park, Vancouver sans son parc Stanley ou Montréal sans son parc du Mont-Royal? Ces grands parcs urbains contribuent non seulement à notre qualité de vie, à notre bien-être, mais font aussi souvent partie de l'identité même de notre ville et de son ADN. Le dimanche après-midi, c'était la belle sortie, ça. On s'en venait, tout bien changé, puis c'était le Parc-la-Fontaine qu'on visitait. Ça a été notre vie, ça. Ça a été notre jeunesse, le Parc-la-Fontaine. Moi, j'ai des amis qui sont rencontrés ici, et puis ça a été leur mairie, puis ça a fait des bons ménages. C'était la place pour. Ça avait un cachet tout particulier. Au Parc-la-Fontaine, je rejoins avec délice tous les beaux rêves d'enfants, la gondole au loin qui glisse et les canards de l'étang. Le trio lyrique interprétant en 1947 la chanson « Au Parc La Fontaine » et juste avant, vous entendiez le témoignage de Gisèle Collerette à l'émission Montréal ce soir en 1992. L'historien Harold Bérubé, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, est avec nous pour nous parler de l'âge d'or de ces grands parcs publics urbains en Amérique du Nord, le contexte aussi dans lequel ils ont été créés, essentiellement à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. Avant de s'attaquer à l'histoire de ces grands parcs urbains publics, Harold Bérubé, revenons quand même un petit mot encore sur, on entendait le jogger new-yorkais, oui, il y a un instant, sur ce qu'ils sont devenus, sur ce qu'ils représentent aujourd'hui, oui, dans nos vies, dans nos villes, oui, ces grands parcs urbains. Mais écoutez, d'abord, ils se caractérisent par leur taille. Ce sont de très grands espaces à l'échelle des grandes villes nord-américaines. Si on va sur Google Earth, ce sont ces gros carrés verts qui apparaissent au centre de la grisaille urbaine, que ce soit effectivement Central Park ou le parc du Mont-Royal. Donc, de grands espaces, des éléments souvent très importants de la signature d'une ville. Oui. On les met de l'avant, on les met en relief dans la publicité, etc. Les habitants les considèrent comme des symboles importants de la qualité de vie qu'une ville est capable de leur offrir. Et ce sont d'importants témoins des efforts qui sont faits à partir de la fin du 19e siècle, surtout pour sauver la ville d'elle-même, pour l'assainir jusqu'à un certain point. Ouais. Et le premier, c'est Central Park, celui qui, mm-hmm, qui va... Le parc, en fait, est créé en 1857. Ce sera le premier d'une série de nombreux grands parcs urbains publics en Amérique du Nord. Avant cette date-là, oui, c'est un tournant, ça, Central, mm-hmm, Park 1857. Oui. Avant cette date-là, à quoi se résumait l'univers des parcs, Harold? Il faut dire d'abord, le parc public urbain est une nouveauté, hein, sur le plan historique, cette idée de grands espaces verts dans les villes qui sont accessibles à tous. Si on remonte à l'époque pré-industrielle, ces grands espaces verts qu'on peut retrouver dans les villes sont généralement des propriétés privées. Ce sont les jardins qui accompagnent de grands manoirs aristocratiques ou bourgeois ou alors certaines institutions religieuses. Donc, ce sont généralement des espaces emmurés ou clôturés dont l'accès est relativement restreint. Au 18e, 19e siècle, on voit apparaître des squares, des petits jardins qui sont associés à certains lotissements qu'on veut rendre plus prestigieux. Là aussi, on a affaire à des espaces qui sont privés généralement. Ouais. Il y a ces beaux exemples, notamment à Londres, de ces petits jardins qui sont encore aujourd'hui clôturés. Les seuls qui ont la clé, ce sont les habitants du petit cercle de maisons qui se trouve à proximité. Donc, c'est le parc public apparaît vraiment durant la deuxième moitié du 19e siècle, donc avec des exemples comme Central Park. Ouais. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à la moitié du 19e siècle, on décide d'aménager des grands parcs urbains? Ben, c'est intimement lié au processus d'industrialisation et d'urbanisation. Il faut dire, jusque-là, les villes sont très denses, très ramassées dans l'espace. Il faut dire, la nature n'est pas très loin si on veut s'y rendre. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec l'industrialisation, donc les villes s'étalent dans l'espace. On voit l'apparition de ces grands complexes industriels, des quartiers ouvriers donc, qui les accompagnent, qui sont denses. Problèmes de pollution, évidemment, aussi, qui vont avec ça. Donc, la ville se transforme très rapidement à un rythme assez haletant. Il n'y a plus vraiment d'espace vide. On remplit le vide, justement, avec ses immeubles, avec ses complexes industriels. Donc, la nature s'éloigne. Et il faut dire également, on voit apparaître un certain nombre de problèmes sociaux. Donc, c'est ce vaste prolétariat urbain qui se forme. Les élites sont inquiètes de ce qui se passe, justement, dans ces quartiers ouvriers, des troubles qui pourraient en découler. Il y a des inquiétudes au niveau hygiénique, au niveau moral également. Ouais. Donc, tout ça fait qu'on va voir dans la nature, dans le retour de la nature en ville, une solution à certains de ces problèmes. Question d'hygiène de vie, d'une certaine manière. Morale également. On a l'impression que dans les quartiers ouvriers, la morale des gens, c'est une vision très religieuse, souvent portée d'ailleurs par l'Église protestante. Et on s'inquiète un peu de la fibre morale des gens qui sont entassés comme ça dans les quartiers ouvriers. Et on voit dans la nature une influence apaisante, moralisatrice et évidemment également bonne pour la santé. Cette vieille idée que la ville, c'est dangereux. Hein, ça, oui, ça, c'est toujours, là. Ce qui est assez cocasse, en tout cas notable, c'est que les premiers, avant qu'on se mette à aménager de vrais parcs urbains publics, les premiers lancers des parcs urbains publics dans les grandes villes, en fait, c'est les cimetières, les grands cimetières. Oui, absolument. Oui, bien écoutez, autant on va sortir les activités industrielles, les quartiers ouvriers du centre-ville vers la périphérie, on va sortir les cimetières aussi. On trouve que les cimetières en ville, c'est problématique. Et on va aménager, à partir du début du 19e siècle, des cimetières ruraux. Hein, sort les cimetières de la ville. Et le précurseur peut-être le plus important à ce niveau-là, c'est le cimetière Mount Auburn à Cambridge, qui est créé en 1831, qui est souvent présenté comme le premier de ces cimetières ruraux. À Montréal, le sien, le cimetière anglo-protestant du Mont-Royal qui est créé en 52. Donc, qu'est-ce qui caractérise ces cimetières? Ce sont de grands espaces qu'on va aménager. Et l'idée est que non seulement les gens qui s'y rendent vont venir évidemment rendre hommage à leurs morts, mais on veut aussi que ces espaces-là aient un impact moral positif. Et donc, on les aménage soigneusement selon les critères victoriens. Et l'idée, c'est que les gens qui vont les visiter vont à la fois les visiter leurs morts, mais aussi contempler la finitude de leur vie, réfléchir sur leur fibre morale, etc. Donc, on espère que ces cimetières vont être des lieux de recueillement et d'introspection, si vous voulez. On revient au parc en bonne et due forme, ces grands parcs urbains d'Amérique du Nord, en commençant, bien sûr, on y revient, par le plus connu, par le premier, celui de Central Park à New York. Voici le printemps. S'il n'y avait que cette raison-là, le printemps justifierait l'existence des parcs dans toutes les villes du monde. Mais il doit y avoir d'autres raisons, si l'on songe que dans cette métropole, bâti sur une île, il est plus avantageux d'ajouter un étage à un immeuble que de bâtir une pièce au rez-de-chaussée, tant le prix du terrain est élevé. La raison principale, la voici. Donner aux enfants la santé et le bonheur. Les vieillards y trouvent un calme agréable. Jeunes et vieux peuvent s'y reposer le corps et l'esprit dans l'atmosphère de la démocratie. Tel est le secret de Central Park, où l'égalité règne, sans distinction de race, de couleur ou de croyance. Jeunes et vieux trouvent les loisirs ou les jeux qu'ils préfèrent et qui contribuent à leur bonheur. Car le bonheur de tous les citoyens, de tous les humains, est le but suprême de toute démocratie. Extrait d'un film de la United States Information Service réalisé en 1943. Le ton propagandiste de ce film, évidemment, ça peut nous faire sourire aujourd'hui. Mais ça reste intéressant, cet extrait, Harold Berruyer, parce que ça nous dit d'abord, en partie, on est en 43, mais ce que sont devenus ces grands parcs urbains, ce qui est devenu à ce moment-là, dans les années 40, Central Park. Et ça nous ramène d'une certaine façon aussi au contexte qui fait qu'on a créé en 1857 le parc, le grand parc new-yorkais de Central Park. Oui, tout à fait. Ben c'est ça, ça fait sourire, effectivement, parce que l'extrait nous dit est un peu le contraire de la façon dont le parc est conçu et élaboré initialement. Donc, on est dans les années 1850. La ville de New York est en ascension comme métropole américaine. Et donc, un certain nombre de membres des élites économiques, des banquiers, des commerçants, etc., vont faire pression sur l'administration municipale pour construire comme ça donc un grand parc urbain qui donnerait du prestige à la ville, également qui ferait monter les propriétés environnantes. Et ce sont des gens qui habitent dans le secteur. C'est un secteur très mixte, avec une population afro-américaine notamment assez importante. Donc, dans ce qui va devenir une assez sinistre tradition urbaine aux États-Unis, qu'est-ce qu'on va faire? On va exproprier la grande majorité de ces habitants afro-américains et pauvres en général. On dégage comme ça 800 acres de terrain pour aménager effectivement un parc qui va rehausser donc le prestige de New York et également les valeurs foncières des maisons qui sont construites en périphérie de ce parc. Oui, mais c'est quand même, c'est évoqué dans l'extrait, mais économiquement, 800 acres au cœur de New York, oui. C'est une petite fortune. Là. Oui, ben, il faut dire qu'à l'époque, le centre-ville n'a pas encore rattrapé cette partie de l'île, donc c'est évidemment habité, mais effectivement, c'est un pari qu'on fait sur l'avenir de la ville et du secteur. Ça, c'est indéniable. Ouais. Le principal architecte paysager de Central Park, c'est Frederick Law Olmsted. Oui. Ça va être vraiment une figure importante dans le développement des grands parcs en Amérique du Nord. Un mot d'abord pour nous dire qui il est. Oui, donc Olmsted est notamment un journaliste. C'est aussi un des premiers aménagistes paysagers américains. Quelqu'un qui va laisser vraiment une empreinte durable dans le paysage urbain nord-américain, pas seulement aux États-Unis, mais également au Canada. Et on peut vraiment dire de Central Park que c'est sa première grande œuvre donc urbaine. Donc, il est choisi avec Calvert Vaux par concours, avec évidemment un peu de pistonnage ici et là, pour concevoir et aménager donc Central Park. Ouais, ça va être l'aménagement de ce parc, évidemment, plusieurs années de travail et un contexte politique assez particulier. On écoute Witold Rybinski, qui est architecte, qui a écrit une biographie qu'il a consacrée à Olmsted, décrire justement le contexte politique entourant la création de Central Park. There was a lot of politics in choosing who was going to, which design would be built. Les décisions d'aménagement et de paysagisme étaient essentiellement politiques. La ville avait perdu le contrôle du territoire du parc et c'est une commission de l'État qui s'en est chargée par la suite. Les républicains dominaient cette commission et les démocrates étaient minoritaires. Les démocrates, souvent d'origine irlandaise ou germanique, voulaient un aménagement très formel, à la française. Les républicains étaient davantage de descendance britannique et souhaitaient un paysage champêtre dans la tradition anglaise. Anglo-descent, so they liked the picturesque English tradition. What's interesting about Vaux and Olmsted is they did. Ce qui est intéressant dans le cas de Vaux et d'Olmsted, c'est qu'ils ont fait un peu des deux. L'esplanade piétonne est un espace très formel, un bel espace linéaire avec de grands ormes bien placés. Et ils ont aménagé cela au milieu d'un paysage champêtre très anglais. C'était une manière pour eux de jouer de prudence et de plaire aux deux côtés. Hedging their bets a little bit and trying to appeal to both sides. Alors, comment ils vont réussir, apparemment pas trop mal, à se débrouiller, à se dépatouiller dans Vaux et Olmsted, dans ces disputes entre républicains et démocrates? Ça va donner quoi au final, Harold Bérubé, ce nouveau grand parc, Central Park? Alors, ça donne un parc qui est ouvert en différentes phases. Il est ouvert officiellement en 57. Il va être vraiment complété en 1860. Et effectivement, comme on l'explique dans l'extrait, il y a des éléments à la fois de la tradition française, de la tradition anglaise dans ce parc. Personnellement, je dirais que l'élément anglais l'emporte si on prend le parc dans sa globalité. Effectivement, le mall est un élément un peu plus symétrique, formel, mais Olmsted va généralement favoriser une approche plus à l'anglaise, si on veut. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour Olmsted, l'idée est d'essayer de recréer une nature qui, on va méticuleusement donner une impression d'improvisation et de chaos. Et l'idée, c'est qu'il faut que ça ait l'air naturel. Donc, on va vraiment, il va utiliser vraiment l'espace comme un canevas. Et là, bon, on a des routes sinueuses, on a une topographie très douce, mais qui vient rompre l'idée d'un espace qui soit plane, des espaces d'eau, évidemment, des arbustes, des arbres bien installés. L'idée est de rendre le coup d'œil intéressant et surtout de dissimuler la ville. Dissimuler la ville quand on est au cœur du parc. Et ce qui est intéressant de Olmsted, et ça nous ramène à ces fameux cimetières dont on a parlé tout à l'heure, Olmsted va vraiment embrasser cette vision, l'idée que en créant comme ça cette nature en ville qui vous donne l'impression, justement, non pas d'être dans un espace aménagé, déménager, mais dans un espace sauvage. Oui. L'idée pour lui est que ça va pacifier le caractère donc des gens qui le visitent. Donc, pas très longtemps après l'ouverture du parc, il va dire, et là, je paraphrase, il va dire que toute personne qui a visité Central Park ne peut douter, à son avis, de son influence harmonieuse et du fait qu'elle va raffiner le caractère des gens qu'il qualifie de « unfortunate and lawless », des gens donc pauvres et un peu hors-la-loi. Ouais. Et il va expliquer que c'est une influence qui est favorable à la courtoisie, au contrôle de soi, à la tempérance. Et donc, c'est l'idée que le milieu influence le caractère des gens et que les gens qui visitent Central Park vont être influencés, donc apaisés par cet espace ouais. naturel. Puis sa préférence pour le modèle anglais, oui. On ne l'a pas dit, mais il va voyager plus tôt dans sa vie. C'est là qu'il se découvre oui. une espèce de passion. Et c'est en Angleterre, en fait, qu'il va avoir la piqûre, entre guillemets, des grands jardins. Oui, oui, tout à fait. C'est tous ces principes, il les ramène en bonne partie de la culture anglaise, des jardins, des parcs. Et c'est quelque chose qu'il va transplanter. Donc, non seulement à New York, mais aussi plus largement en Amérique du Nord. Ouais. En fait, il va travailler partout en Amérique du Nord avec une grande importance. On parle souvent de lui comme du père de l'architecture de paysage. Quelle importance il a, Olmsted, dans la création de ces grands parcs urbains publics en Amérique du Nord? Oui, bien, il est un des nombreux facteurs donc, qui mènent à leur diffusion. Donc, on a Central Park qui est créé donc, dans les années 1850, qui va avoir une grande visibilité donc, dans les décennies qui suivent. Donc, il y a différents facteurs qui contribuent comme ça à la diffusion du modèle de Central Park. Le premier, c'est l'influence du mouvement réformiste. Quand je parlais tout à l'heure des gens qui s'inquiètent des effets de l'industrialisation, de l'urbanisation, ben, ces gens-là vont voir dans les parcs, dans les espaces verts, une réponse à leurs inquiétudes. Donc, on voit apparaître ici et là, notamment à Montréal, il y a une Park and Playgrounds Association, donc composée beaucoup de femmes de la bourgeoisie, qui poussent comme ça pour l'aménagement de parcs. Deuxième facteur important, c'est ce qu'on appelle le mouvement City Beautiful. Mm-hmm. C'est un mouvement qui naît à Chicago. Chicago, en 1893, accueille une grande exposition universelle où on aménage ce qu'on appelle la White City, une sorte de ville utopique qui va servir un peu d'emblème au mouvement City Beautiful. D'ailleurs, Olmsted participe à l'organisation de l'exposition. Donc, l'idée, en gros, du mouvement City Beautiful, qui fait des petits à travers l'Amérique du Nord, c'est que, encore une fois, un peu dans la tradition de Olmsted, si on construit de grands boulevards, de grands édifices publics impressionnants et de grands parcs, on va améliorer la fibre morale, la fibre citoyenne des gens. Donc, c'est un mouvement qui a beaucoup d'influence et qui mène là aussi à la construction de parcs. Troisième facteur, il y a ce qu'on pourrait appeler le boosterisme. Ce qu'on a vu avec ces hommes d'affaires new-yorkais, on le voit ailleurs. Il y a des élus municipaux, des hommes d'affaires ailleurs en Amérique du Nord qui voient qu'un parc, ça permet de donner du prestige à la ville, ouais. de mettre un drapeau en fait, pour lui donner de la visibilité. Donc, on demande des parcs comme ça également dans la concurrence interurbaine qu'on voit à l'échelle du continent. Et finalement, le dernier facteur, effectivement, c'est Olmsted. Olmsted va être très actif après la construction de Central Park. C'est une carte de visite pour lui. Il l'utilise pour créer des parcs comme ça ailleurs aux États-Unis, à Milwaukee, à Buffalo notamment, mais également pour passer la frontière donc, du côté ouais. canadien. Donc, Olmsted est quelqu'un qui va être très actif dans la promotion de ses principes et qui va évidemment chercher à élaborer d'autres parcs là, ailleurs en Amérique du Nord. Et l'une des villes qui décidera aussi d'avoir un grand parc et qui demandera à Olmsted de dessiner et d'aménager ce grand parc, c'est Montréal, avec le parc du Mont-Royal. Je propose d'écouter Dinu Bumbaru, d'Héritage Montréal, qui va nous raconter un peu la réaction qu'a eu Frédéric Olmsted quand on lui a demandé d'aménager le parc du Mont-Royal. Puis on reviendra ensuite sur ce que ça a donné au final, ce grand parc montréalais. Extrait de l'émission Montréal Express du 24 mai 1999. Il faut se dire ouais. une chose, c'est que le Central Park, c'est un grand terrain plat. Rectangulaire, relativement plat, avec finalement des affleurements rocheux et des choses comme ça. Mais grosso modo, c'est un grand rectangle de terrain immense comparé au Mont-Royal, mais néanmoins assez plat. Donc, il a pu placer son lac ici, son petit gazon là, ses clôtures, ses marches, etc. Sur le Mont-Royal, il y a une personnalité intrinsèque qui est extrêmement forte. Et au début, dans ses premières correspondances avec la municipalité, il disait « Écoutez, c'est malheureux, mais je dois vous dire que c'est le pire endroit pour faire un parc. » Et peu à peu, il s'est laissé convaincre. Et après l'inauguration du parc, quelques années après, il publie à son propre compte un livre qu'il va faire distribuer à Montréal et qui est un petit peu le mode d'emploi du Mont-Royal à l'intention des propriétaires. Et dans ce cas-là, les propriétaires, c'est les citoyens de Montréal. Et il indique très fort, très clairement à quel point il a découvert ce territoire, ses vues sur la vallée du Saint-Laurent, sa relation avec la ville. C'est intéressant cet extrait, Harold Bérubé, parce que ça nous montre qu'Homestead lui-même va évoluer énormément, une grande réticence à faire un parc sur la montagne à Montréal, sur le Mont-Royal. Puis finalement, ce parc-là va devenir pour lui probablement une de ses plus belles réalisations. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça représente pour lui qui en a fait tant de grands parcs, le parc du Mont-Royal? Bien, clairement, c'est une de ses œuvres importantes de par l'ampleur du territoire dont il dispose. Effectivement, également, le caractère particulier de cette topographie-là, qui représente un obstacle au début, devient ensuite quelque chose qu'il va mettre en valeur. Mm-hmm. Donc, comme l'expliquait bien Dino Bumbarou, lui-même va ensuite en faire la promotion de manière assez importante. Et l'influence de Homestead va continuer à se faire sentir à Montréal et au-delà. Il continue à être consulté sur différents projets. Un de ses étudiants, Frédéric Todd, va être un aménagiste également assez influent au Canada. C'est notamment lui qui va concevoir le parc Assiniboine à Winnipeg. Ouais. Va contribuer à la conception du réseau de parcs de ville de Mont-Royal. Donc, l'influence de Homestead se poursuit au Canada, ouais, et le parc du Mont-Royal devient, dans le fond, un peu sa carte de visite canadienne, comme les Central Parks du côté américain. Et c'est son premier projet, le parc du Mont-Royal, c'est important pour lui, son mm-hmm. premier projet solo. Oui, tout à fait, absolument. Il va être entouré d'un certain nombre de collaborateurs, dont Calvert Vaux, dont on parlait tout à l'heure, et effectivement, c'est un projet de grande ampleur et qu'il mène de manière solo. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça va devenir, ce parc-là? On va glisser un petit peu sur la vocation des parcs. Le parc du Mont-Royal, par exemple, comment il va se comparer? Restons à Montréal. Comment il va se comparer avec le temps avec d'autres grands parcs à Montréal? Le parc La Fontaine, le parc de l'île Sainte-Hélène. Mm-hmm. C'est l'utilisation des parcs par la suite qui devient intéressante pour nous. Et si on revient à cet extrait de 43 tout à l'heure où on nous parlait en pleine Deuxième Guerre mondiale de l'espace comme, du parc comme espace démocratique égalitaire, c'est pas tout à fait ce qui arrive. Ces grands parcs-là, donc en théorie, sont censés apaiser les mœurs urbaines, les relations entre les gens. C'est pas tout à fait ce qui arrive. Et le cas de Montréal est intéressant pour démontrer comment il y a des conceptions différentes de ce qu'on fait avec ces espaces-là qui se manifestent et qui vont entrer en conflit parfois de manière assez brusque. Donc, dans le cas du parc du Mont-Royal, le parc est assez éloigné de la ville initialement, du tissu urbain, et pour s'y rendre, c'est pas facile. Il faut prendre... on peut pas le faire à pied lorsqu'on habite dans les quartiers ouvriers de Montréal. Donc, le parc est initialement essentiellement fréquenté par des gens de la haute classe moyenne, de la bourgeoisie, il faut le dire. Et au début du 20e siècle, les élus urbains, en tout cas certains élus, vont vouloir faire une ligne de tramway qui permettrait aux gens de fréquenter le parc. Et là, c'est fascinant de voir ces élites vont se révolter contre ce projet-là. Et ça va prendre pratiquement 30 ans avant qu'on aménage la ligne, non pas parce que les obstacles physiques importants, mais parce que les gens des élites montréalaises veulent garder le parc pour eux. Ouais. Ne veulent pas partager ce lieu de balade, justement de contemplation, etc., que peuvent se permettre donc les gens de la bourgeoisie. Au contraire, on va pratiquement encourager les gens à plutôt fréquenter le parc de l'île Sainte-Hélène. On y aménage des plages, des terrains de jeu, et on s'attend à ce que les classes ouvrières aient là. Donc, fassent ce qu'on appelle du boisterous fun et avec des sports un peu moins délicats que le tennis, par exemple. Ouais. Donc, on favorise presque une certaine ségrégation des espaces. Il faut vraiment attendre les années 30 pour que le parc du Mont-Royal devienne accessible à la majorité des habitants de la ville. En fait, c'est deux conceptions du parc qui s'opposent aussi. La conception très villégiature, élitiste, calme, repos, beauté. Un lieu de recueillement. Ouais. Et la conception loisir, plus populaire. Absolument. Et le parc La Fontaine est bien placé entre les deux d'une certaine manière. Et c'est là un peu qu'on va voir aussi à l'œuvre ce conflit-là. Hein, le parc, il va y avoir toutes sortes de négociations parce qu'il y a des gens qui demandent justement ce qu'on aménage, des terrains de jeu, etc. La ville résiste pendant un certain temps. Encore dans les années 1900, il y a des agriculteurs qui viennent faire brouter leurs chèvres dans le parc. Et donc, ça prend un certain temps pour qu'on fasse comprendre aux gens un peu quelles sont les règles à suivre. Ouais. Et éventuellement, même la municipalité va reculer, installer un zoo miniature, le Jardin des Merveilles, va accepter qu'on utilise des chaloupes, ces gondoles dont on parlait tout à l'heure dans la chanson. Donc, on va en venir à des compromis pour que le parc soit à la fois, lieu de recueillement, de contact avec la nature, mais aussi lieu de divertissement pour la majorité donc des citadins. Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.